l'histoire des Jeannettes, là, c'est parce que, Joanne, tu peux me donner à 10 minutes à matin, puis je peux te monter une gang de filles, de 20 filles qui sont contre la charte aussi, là. Ouais. Si on veut jouer à ce jeu-là, là, à celui qui pisse le plus loin, là. Hey, nous autres, on a 20 filles qui sont pour la charte. Ben oui, mais demain, je peux te faire le contraire. Ça mène à quoi, cette affaire-là, là? Ben, c'est ça. Ben, c'est clair que c'est une vingtaine de femmes connues, hein. La plupart issues du milieu culturel, d'ailleurs, là. Des femmes qui ont l'habitude de prendre la parole, puis qui bénéficient d'un micro, puis de la une du journal, il faut bien le dire. Oh oui. Donc, ils sont assez privilégiés dans ce sens-là. La lettre de ces femmes-là, quand tu la lis comme il faut, là, qu'est-ce qu'elle dit? En réalité, ils disent pas, mais elles refusent l'immigration musulmane. Si cette immigration musulmane-là impose ses symboles dans l'espace public, si elle impose ses congés religieux dans les écoles, si elle impose des changements au code vestimentaire des officiers de police, c'est un peu comme à Toronto et en Angleterre, t'sais, qu'elle le dise. Qu'on le dise clairement, hein? Ça vire toujours autour du pot, là. C'est ça. C'est pas une question de liberté de religion, là. C'est une question vraiment d'un choc de civilisation à laquelle auquel on assiste, là. J'écoutais Denise Filiatro ce matin. Ce qui est bon dans Denise Filiatro, c'est qu'elle se fait comprendre. Elle n'a pas le discours politiquement correct, pas du tout. Paul Arcand, à un moment donné, lui demande, moi, mais qu'est-ce que vous dites aux femmes qui disent que c'est leur liberté de religion? Elle répond très simplement, fuck off. Donc, pour elles, ces femmes-là, la question de la liberté de religion, elles se refusent à croire que ça fait partie de la religion que de porter un foulard sur la tête. Tu sais, c'est civilisationnel, là. Alors, si elles veulent pas de ces musulmanes-là qui veulent importer ici leurs coutumes et leurs mœurs religieuses, ben, il va falloir à un moment donné qu'elles soient plus claires que ça puis qu'elles disent au gouvernement, changeons les critères d'admissibilité de nos immigrants. Mais elles ne vont pas jusque-là, tu comprends? Qu'est-ce que, toi, là, ton opinion sur le voile, c'est quoi? Mon opinion sur le voile, c'est que moi aussi, je me refuse à penser que c'est un symbole religieux. Pour moi, c'est un symbole politique. Et c'est pour ça que je suis en accord avec la proposition de la CAQ qui me semble pragmatique, réalisable, dans un contexte réalisable, là, tu sais, applicable, pour dire, bon, ben, dans nos écoles, on peut faire un premier pas et respecter notre héritage de déconfessionnalisation de nos écoles. Puis bon, dans nos écoles, il y aurait pas de symboles religieux. Je suis assez d'accord avec ça. Mais une fois que tu as accepté les immigrants ici, je trouve ça illusoire, complètement farfelu de penser une fraction de seconde qu'on peut leur imposer un changement de mœurs. On peut pas leur imposer un changement de mœurs. C'est ça qu'on veut? Ben, c'est avec ça qu'on va vivre. C'est juste ça, je trouve, qu'on baigne dans l'illusion quand on s'imagine qu'on peut changer ça chez certaines personnes qui sont profondément convaincues que c'est une pratique religieuse que de porter ce foutu voile-là. Tu comprends? Fait que c'est une perte de temps, carrément, pour moi, ce débat-là, parce qu'on s'attaque pas à la source du problème. Qui est l'immigration, puis on contrôle pas 100% l'immigration. C'est le fédéral aussi qui contrôle l'immigration, puis il y a des problèmes dans l'immigration, c'est clair. Tu sais, que comme les Chafia, par exemple, lui, le bonhomme Chafia, là, qui a tué ses filles, puis son ex-femme, puis en tout cas, il y en a tué plusieurs, là, dans la région de Kingston. Lui, c'est toujours bien Immigration Canada qui l'avait fait admettre ici, après les fameux examens, là, qui a fondé le Québec, etc., etc., les fameux examens où tu apprends une réponse par cœur. Lui, on l'a amené ici, parce qu'il y avait de l'argent. C'était un riche investisseur à Kaboul, puis on l'a amené ici, puis résultat, ben c'était un freak, c'était un radical. Il trouvait pas ça drôle que sa fille elle tombe en amour avec le voisin, puis il l'a tué. Ben c'est ça. Puis mais tu sais, un pro-charte, je dirais même idéologique, te dirais, ouais, mais des causes de violence dans les familles québécoises catholiques, il y en a aussi là. Tu sais, c'est comme si c'était très, très émotif, puis à ce compte-là, ben, on fait, puis ce qui est dommageable aussi, c'est qu'on fait complètement abstraction de tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Total. C'est débile, là. Là, quand on lit dans les journaux présentement qu'il y a des personnes dans les CHSLD, là, qui sortent de là, puis qui se font virouaper d'une maison d'accueil à une autre, des personnes handicapées qui manquent de soins, s'il y a un rôle à l'État, c'est bien de subvenir puis de s'assurer de la sécurité puis du bien-être puis de la du fait que ces personnes-là soient au moins confortables dans la vie, on passe à côté de ça, on diminue, on coupe dans ces services-là. Je trouve ça indécent de mettre autant de temps. J'espère que le Parti québécois va déposer sa foutue loi, qu'on en parle, mais encore là, je vois pas l'heure de ça, parce qu'ils vont aller en élection avec ça. Puis je ne vois, conçois pas non plus que la CAQ va pouvoir endosser un projet de loi aussi radical, mur à mur comme ça, là. Fait que je trouve là qu'on est vraiment sur le bord d'être schizophrène au Québec, là.